Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag, vous écoutez Radioactive sur le 94.7 et le 93. Aujourd'hui dans ce Mag, on va parler alimentation, sport et gain de temps. Parce qu'on le sait, entre le boulot, les enfants, le sport ou les journées à 100 à l'heure, bien manger devient parfois un véritable casse-tête. Et justement, une solution locale veut répondre à ce problème, ça s'appelle Humil. Et derrière ce projet récent, ils sont trois. Ronan, à l'origine de l'idée, est directeur général. Bonjour Ronan. Bonjour Marlène. Quentin, en charge du marketing. Bonjour Quentin. Bonjour Marlène. Et Jordan, qui s'occupe du développement commercial et qui est avec nous aujourd'hui, accompagné du coup de son équipe. Bonjour Jordan. Bonjour Marlène, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et ben avec grand plaisir, on a hâte de tout savoir de ce projet relativement récent, hein, puisque les ventes ont commencé depuis le mois de janvier de cette année 2026. Alors, on va commencer par une petite présentation, savoir qui êtes-vous et un petit peu votre parcours à chacun. On va démarrer chronologiquement peut-être, Jordan ? Quand vous dites chronologiquement, c'est par rapport à l'âge ? Pas vraiment. Donc moi, c'est Jordan, j'ai 31 ans, donc je suis commercial depuis maintenant 7 ans. J'ai eu un parcours dans le sport, j'ai fait une licence STAPS. Derrière, je suis parti aux pompiers de Paris. Et après, je me suis doucement reconverti en commercial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce projet, j'ai pris le poste de directeur commercial, surtout sur le développement B2B. Donc sur le côté professionnel, le développement des produits au sein de magasins spécialisés notamment. Et je vais aussi m'occuper de la partie ambassadeur. Donc c'est-à-dire que les influenceurs sur les réseaux, c'est moi qui vais faire le lien entre Humil et ces personnes. Humil, alors j'ai mal prononcé, voilà, ça commençait pas bien. Oui, vous auriez dû me le dire. Humil, c'est you en anglais, donc toi. Et le diminutif, on l'a fait en U, donc you. Et mil, donc pour le plat, Humil. Ok, bon, bah vous m'excuserez pour ce petit écorchage de ce joli nom. Tu es excusé. Ok Jordan, Ronan. Ben moi je m'appelle Ronan, j'ai 27 ans. À l'origine je suis technicien en agroalimentaire et j'ai poursuivi un petit peu comme Jordan par une formation de commercial. Donc plutôt commercial spécialisé agroalimentaire. Et puis à côté de ça, sportif depuis mes plus jeunes jours, donc que ce soit sur des sports principalement compétition, athlétisme, et puis depuis maintenant une petite dizaine d'années, plutôt sur la musculation. Et puis aussi l'envie de bien manger aussi, et c'est comme ça que l'idée de Humil est arrivée un petit peu dans ma tête, et que j'ai fait partager, on va dire, ce joli projet qui voit le jour aujourd'hui à mes deux confrères. Très bien, merci Ronan. Quentin ? Et moi c'est Quentin, j'ai 29 ans. Je suis pour le coup directeur marketing chez Humil. Mmh. À côté de ça, je suis déjà entrepreneur, donc j'ai déjà une entreprise. Pareil, focus e-commerce, marketing digital. Et donc Ronan, il est venu me voir un soir en me parlant de son idée de projet et j'ai trouvé ça génial. J'avais la même problématique puisque je suis passionné de boxe thaï depuis 5 ans. Et le problème de bien s'alimenter quand on a beaucoup de travail, c'est pas toujours très simple à gérer. Et ça m'a tout de suite parlé, c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure. Ok, donc en fait la rencontre ça a été un petit peu ça, c'est Ronan, toi tu es allé chercher les deux autres. C'est ça, je suis rentré en quête justement de mes deux partenaires qui vont me permettre de monter ce projet que j'avais en tête jusqu'à le mettre sur un papier puis le lancer. Et on a réussi voilà, avec Jordan et Quentin à créer, on va dire, un écosystème de travail qui nous a permis, de nos expériences passées, justement, de créer, en fait, le produit qui, pour nous, est notre produit parfait. Et voilà, le tout étant de le proposer à tout le monde maintenant, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette difficulté. Donc, voilà. Charge à nous, maintenant, de faire découvrir un petit peu Humil et son univers, justement, pour répondre aux problématiques de tout le monde. Ce qui est finalement l'une des premières qualités d'un bon entrepreneur, c'est de savoir agiter et aller trouver les bonnes personnes pour son projet, puisque, du coup, je pense que Ronan, tout seul, il a eu l'idée, mais il a réussi tout de suite à me convaincre. Alors, c'était facile. Il était très tard, moi, dans la soirée. Oui, il m'a parlé de son idée, mais... Il a profité d'un moment de faiblesse. Ouais, mais... Son point faible. Ouais. Mais non, si, il a cette grande, grosse force de pouvoir parler aux bonnes personnes, trouver les bonnes personnes qui lui manquent, puisque Ronan a son champ de compétences, mais forcément, il lui en manquait d'autres. Donc, on est très complémentaires sur nos compétences. Et il a réussi à avoir le bon discours pour aller nous chercher. Et ça, c'est une bonne force qu'il a, lui. Vous avez tous les trois, du coup, ce côté entrepreneur et ce côté sportif. Vous considérez plutôt l'un ou l'autre ? Bonne question. Je pense que dans le sport, il y a quand même une phase entrepreneuriale, puisque on se lance à la base sur une discipline qu'on ne connaît pas spécialement, dans laquelle on va apprendre, finalement, et progresser au petit à petit. Et je pense que l'entrepreneuriat, finalement, c'est un petit peu ça. On va dire commencer de zéro et puis apprendre un petit peu tous les jours progresser, échouer pour arriver à une finalité. Donc je pense que les similitudes sont très proches. Aujourd'hui, on va dire qu'on est plutôt un entrepreneur sportif, on va dire, plutôt que l'un ou l'autre. Je pense que ça serait la bonne réponse. Vous validez, Quentin, Jordan ? Oui, bah c'est ça, le sport nous donne, je dirais, la discipline. Et après, Youmil, c'est vraiment là, plus le côté business de l'entrepreneur. Mmh. Ouais, pareil. Je pense que même si on ne pratique pas le même sport, les problèmes restent pareils, quelle que soit la discipline. Et c'est pour ça que ce n'est pas aussi non plus quelque chose qui est trop axé musculation. Nous, on pensait au départ. En fait, ça parle à tous les gens qui ont juste une activité professionnelle, qui prennent une bonne partie de leur vie et qui souhaitent quand même faire du sport à côté pour garder un équilibre au niveau de la santé, etc., de l'entretien. Donc ça parle pas qu'à des gens de muscu, c'est pour ça qu'on s'y retrouve tous. Mmh. Et donc oui, je me définis comme un entrepreneur sportif. Très bien. Si vous deviez résumer Youmil en une phrase, quelle serait-elle ? C'est moi qui commence. Tu mets dans la sauce directe. Donc Quentin. Ouais, alors pour moi, ce que ça signifie Youmil, c'est surtout une super aventure. D'une manière générale, l'entrepreneuriat, c'est ça pour moi. Mais là, c'est vraiment une aventure, tout simplement. Je le résume en un mot même. Ok, ça répond pleinement à la question. Je vais être plus terre à terre. Ouais. Moi, je dirais que Youmil, c'est un repas protéiné, sain et prêt à manger et adapté à toutes les personnes qui manquent de temps. Très bien. Moi, je vais faire le parallèle entre vous deux et dire que Youmil, c'est le moyen de réconcilier la performance, l'atteinte d'objectifs, mais tout en mangeant des produits sains qui font gagner du temps à tout le monde. Mmh. Et l'idée de créer ça, elle est venue comment, en fait ? Parce que Ronan, t'es plus à l'origine, du coup, de l'idée ça, vraiment originelle. Et ça t'est venu comment ? Eh bien, en fait, moi, je suis commercial itinérant. Je vais faire beaucoup de voitures entre mes clients, etc. Et puis, sortie de Covid... Donc, tous les restaurants étaient fermés. Moi, j'étais beaucoup dans la musculation, dans le sport de manière générale. Et en fait, sur un énième trajet en voiture, je me dis, j'ai mon sandwich triangle à côté, j'ai ma salade, mon yaourt protéiné pour essayer d'avoir un petit peu, on va dire, tous les éléments pour un bon repas de sportif. Mmh. Et en fait, je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il n'existe pas une solution qui justement regroupe tout ce que je viens d'acheter dans un seul repas ? Et que je n'ai pas besoin d'aller acheter soit en supermarché, soit conservé au frais, mais qui soit bon, mm-hmm. parce que malgré tout, j'aime bien manger. Oui. Et donc, voilà, j'ai imaginé ça, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que rien n'existait. Et donc, quand quelque chose n'existe pas, je me suis dit, autant le créer. Et donc, on avait une idée de base, qui était justement de créer un repas protéiné pour les sportifs, et qui se conserve à température ambiante. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Mmh. Et puis, à force d'échanges, de dialogues, que ce soit entre nous ou avec même d'autres sportifs, parce que d'autres personnes ont aussi des choses à nous apporter justement dans leur quotidien, parce qu'ils ont d'autres problématiques, on a fait évoluer un petit peu justement cette idée, et qui aujourd'hui voit le jour, donc sous une forme un petit peu différente de celle de base. C'est ça qui est plaisant à voir. Oui, effectivement, c'est ce que tu pouvais me transmettre dans les petits éléments de préparation, parce qu'il a bossé avant Ronan. J'ai essayé. Si vous savez, il a bossé. Mmh. C'est ce côté où les sportifs, y a un manque de temps, une nutrition approximative, la tentation d'un fast-food après l'entraînement, ce qui vient gâcher complètement tous les efforts faits juste avant, exactement. Finalement, et les difficultés d'atteindre ces protéines. Donc la solution, a priori, vous l'avez trouvée avec Youmil. Est-ce que vous, à titre personnel, est-ce que vous avez vécu ce problème aussi, ces problèmes d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai les mêmes contraintes que Ronan étant commercial. Donc en effet, j'ai toujours cet exemple-là qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est la gamelle. On emmène le tupperware avec les restes d'un peu tout ce qu'on trouve. Ouais, c'est ça. On n'a pas forcément envie de le manger. Et le midi, on a un imprévu. Le tupperware, il reste dans la voiture le midi, en plein soleil. Et le tupperware, il finit à la poubelle le soir. Alors que là, l'avantage d'un produit comme Youmil, c'est que le produit peut être transporté parce qu'en termes de conservation, il n'y a pas besoin de frigo, il n'y a pas de chaîne de froid à respecter, ce qui fait que le deuil pack, vous le remettez dans le placard le soir et puis vous le réutilisez le lendemain ou un autre jour où vous en aurez besoin. Mmh. Donc oui, moi, la contrainte de ne pas avoir mon produit type, ça m'est arrivé plusieurs fois. Toi aussi, Quentin ? Oui, alors moi, je ne suis pas commercial, je ne bouge pas en fait. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler à domicile. Donc on pourrait se dire qu'effectivement... J'ai la possibilité de manger mieux. Oui, alors déjà, première chose, c'est vrai que je peux manger mieux. Néanmoins, j'ai pas forcément toujours le temps de cuisiner. On pourrait se dire qu'en fait, j'ai juste à descendre, j'ai ma cuisine, je cuisine un petit truc et tout. Mais en fait, c'est que mes journées sont quand même très chargées, puisque en plus de mon entreprise, je suis aussi freelance, donc j'ai des clients à côté. Mine de rien, mes journées sont très chargées, et il n'y a rien de plus frustrant que de devoir perdre ne serait-ce qu'une heure, parce que bien manger, ça nécessite de cuisiner. Hein. C'est vrai, puis de faire les courses avant, oui. Puis tant qu'à faire des bons produits, donc d'aller sur le marché, donc voilà, évidemment. C'est ça, et moi j'ai beaucoup de mal, enfin j'éprouve beaucoup de frustration avec toutes les petites tâches chronophages du quotidien sur lesquelles en fait je me dis, mais en fait ce temps-là je pourrais le mettre à profit pour travailler, ou pour juste me reposer, ou aller faire du sport, etc. J'ai horreur de gaspiller mon temps sur ce genre de tâches, donc c'est vrai que entre midi et deux surtout, ça m'aurait bien facilité la vie à plusieurs reprises d'avoir un YouMeal déjà prêt. J'ai juste à le passer au micro-ondes 2 minutes, c'est bon, je retourne à mon bureau, je le mange devant ce que je suis en train de faire, parfait. Et pareil, mes entraînements de boxe thaï, ils sont sur des plages horaires définies. Généralement, c'est 1h30, je rentre, je suis complètement crevé. Ben, si j'ai pas eu la chance de bien m'être organisé juste avant, ça veut dire qu'il faut que je me remette en cuisine après mon entraînement de boxe thaï à 21h. Donc, je suis pas couché avant 23h, je le sais, donc là aussi c'est pareil, la problématique se pose et ouais, ça me concerne parfaitement aussi. Et ce que dit Quentin, c'est le cas de nombreuses personnes finalement qu'on a interrogées, que ce soit dans le sport ou pas forcément dans le sport, mais le quotidien en fait de beaucoup de personnes qui ont des journées qui sont très remplies, même sans forcément rentrer dans une dynamique sportive, juste le fait de manquer de temps. On rentre tous des fois le soir, on a un petit peu la flemme de faire à manger, effectivement, vous l'avez dit, d'aller commander, prendre un fast-food ou quelque chose, c'est un petit peu la solution rapide, et justement... La solution qu'on a essayé de promouvoir et de créer, c'est justement pour éviter un petit peu de finir dans des potatoes avec du cheddar dessus. Même si le fromage, c'est très bon. Le fromage, c'est délicieux. D'accord. Là, vous êtes venus, vous êtes 3 garçons, hein, le fait est que c'est comme ça, mais on est bien sur un produit qui est aussi bien fait pour les mamans, par exemple, qui ne vont pas avoir le temps parce que, bah, voilà, faut s'occuper des enfants. Je le disais en intro tout à l'heure, mais il y a aussi cette vérité-là. Complètement. D'autant que notre produit a été validé par une nutritionniste. Une nutritionniste du sport, mais même de l'accompagnement dans la réalimentation, qui est basée sur Tours. Mmh. Diététicienne aussi. Diététicienne aussi, donc justement un parcours médical, et qui, elle, voit de gros avantages dans notre produit, parce qu'elle a dans ses clients, elle, beaucoup de personnes, justement, bah, qui veulent juste se remettre à mieux manger, à faire une réalimentation, sans forcément pousser le sport à son paroxysme ou l'approfondir plus qu'il ne l'est déjà, mais voilà, de répondre à des problématiques qui sont simples, qui sont juste de voilà, pas avoir le temps, mais en mangeant des produits qui sont bons, non transformés, sans additifs, sans conservateurs, et fabriqués en France. Elle avait fait un parallèle, enfin même pas un parallèle, elle avait parlé d'une situation auquel nous on n'avait même pas pensé, c'est les travailleurs de nuit. Parce qu'elle disait que en fait, sur des horaires justement très tard la nuit, le cerveau il avait tendance à se rediriger encore plus facilement vers des solutions qui vont être toutes prêtes, très sucrées souvent. Mmh. Le sucre oui, a un gros pouvoir. C'est réconfortant. Ouais, très réconfortant. Ouais. Et en fait, tout de suite, elle a dit, ouais, ça, les travailleurs de nuit, tout de suite, je leur prescrirais parce qu'ils ont ce besoin-là, en fait. On n'y avait pas du tout pensé, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que là où on va accompagner ces personnes-là, c'est sur ce petit moment de manque de volonté qu'on peut avoir, où c'est plus facile aujourd'hui, hein, en fait, de sortir un téléphone et puis de commander quelque chose que de sortir une poêle et puis de se cuisiner quelque chose. Nous, on est très contents de pouvoir se faire à manger quand on a le temps, mais voilà, on a tous... C'est pas toujours le cas. Ouais. On a tous ce petit moment un petit peu d'égarement. De faiblesse, ouais. Bah alors, on l'a compris, YouMeal, c'est bon, c'est équilibré, c'est rapide, c'est pratique, mais c'est quoi, en fait? Parce qu'on en parle depuis le début de cette émission, mais on a envie de savoir ce qu'il y a dedans, comment ça marche, qu'est-ce qui rend votre produit différent? Je vous propose que vous nous expliquiez tout ça juste après une petite respiration musicale, qui est d'ailleurs un choix unanime de votre part, à savoir Pink Floyd, Another Breaking the Wall. Et puis on se retrouve tout de suite après pour savoir qu'est-ce que c'est que YouMeal. In the classroom. Floyd, Another Breaking the Wall, un indémodable, un choix, un très bon choix d'ailleurs, je tiens à le souligner, de nos invités d'aujourd'hui. Alors qui sont nos invités si vous prenez cette émission en cours? Bah déjà vous aurez raté une bonne première partie d'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Ronan qui est à l'origine de l'idée et directeur général de YouMeal, mangez vite mais mangez bien. Très bien. Quentin qui est en charge du marketing. Et Jordan qui s'occupe du développement commercial. Alors les garçons, sur cette première partie d'émission, on a parlé un petit peu des éléments contextuels à votre produit YouMeal. Donc un produit qui, comme je le disais juste avant la pause musicale, est un produit que vous décrivez comme bon, équilibré, rapide et puis pratique. C'est quoi ce produit? Alors c'est un repas cuisiné. On va dire tout ce qu'il y a de plus classique, donc un repas comme on peut le faire dans sa cuisine avec des poêles, des casseroles et de bons aliments. Et ben, on a décidé de faire la même chose, mais plutôt que de le faire dans une petite casserole, on fait ça dans une grande marmite chez un de nos fabricants qui lui est basé en Bretagne et donc qui va cuisiner nos repas sans additifs, sans conservateurs. C'est fabriqué en France et c'est riche en protéines avec minimum 45 grammes de protéines par repas. Et j'insiste dessus, ce n'est pas lyophilisé. Voilà, on est vraiment sur le repas finalement qu'on peut mettre dans son tupperware et réchauffer au micro-ondes. C'est tout ce qu'il y a de plus simple et efficace. Alors tu parles d'une marmite, ça veut dire qu'on commande le produit, on reçoit une marmite? Non, on reçoit ce qu'on appelle un deuil pack. Donc un deuil pack, c'est un emballage, donc c'est une poche souple, hein, on pourrait imaginer ça comme une conserve finalement en forme de sachet. Donc c'est quelque chose qui, pour nos auditeurs qui nous écoutent, quelque chose qui pourrait ressembler aux récuisinés qu'on peut retrouver un petit peu dans le commerce. Mmh. Et donc c'est un emballage qui est en plein développement parce qu'il y a un côté qui est très recyclable justement sur cet emballage. Donc voilà, ça va aussi dans l'air du temps. Mais c'est surtout un emballage qui nous permet de conserver notre produit à température ambiante pendant presque un an. Nous, à fabrication, on les reçoit avec quasiment un an et demi de date. Et donc justement pour que chacun puisse l'emmener un petit peu dans son quotidien, que ce soit au travail, en voiture, à la salle de sport, voilà, avoir un petit peu cette solution d'urgence si jamais on ne sait pas quoi manger ou qu'on a un petit peu ce manque de motivation qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a combien de recettes qui sont proposées dans ces fameux doy packs? Alors aujourd'hui, on a trois recettes. On a un chili con carne et puis un sauté de poulet thaï, donc qui rentre dans notre gamme classique. Et puis on a un dalle de lentilles corail qui rentre dans notre gamme végétarienne. Voilà, parce qu'on pense à tout le monde, tout en sachant qu'il est prévu pour la fin d'année d'avoir un peu plus de 10 recettes au catalogue. Donc on invite tout le monde à nous écrire pour nous donner un petit peu leurs recettes préférées, justement pour qu'on puisse établir les recettes de tout le monde. Là, on est vraiment sur le plat, on n'est pas sur ce qui va autour. Est-ce que, par exemple, ça peut se compléter par un fruit ou on est vraiment assez protéiné, vraiment à la protéine près? Non, non, complètement. Au contraire, nous, ce qu'on voulait, c'était d'avoir un repas qui peut s'intégrer dans toutes les alimentations possibles. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on sait, et nous, on est les premiers à le faire, quand on a le temps, on préfère se faire à manger, que ce soit se faire un bon petit plat ou quoi que ce soit. Mais par manque de temps, d'avoir juste cette petite solution coup de pouce, d'avoir un repas qui soit bon. On a 400 grammes de plat, donc ce qui représente un plat qui est plutôt généreux, même malgré tout. Pour les gourmands, voilà, on n'est pas rationné, quoi. Exactement. Okay. On est, mais que ce soit pour une femme, pour un homme, d'avoir un repas qui soit malgré tout complet, d'avoir un apport en protéines qui soit suffisant pour les sportifs, mais suffisant de manière générale, puisque les protéines sont importantes malgré tout dans toute alimentation. Mais de pouvoir le compléter, ça peut être un fruit, un petit yaourt éventuellement, ou même un petit carreau de chocolat pour nos gourmands. Donc voilà. Au contraire. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé depuis le début de cette émission. Évidemment, on parle du produit, de sa qualité, on parle de tous ses bienfaits. Est-ce que je perds du poids en utilisant YouMeal? Alors, YouMeal, indirectement, peut faire perdre du poids, tout simplement parce que c'est quand même mieux de manger un plat cuisiné qu'un fast-food. C'est souvent justement là où on trouve un petit peu les points d'accroche sur les personnes qui perdent du poids. C'est souvent ce petit écart qu'on peut faire par manque de temps ou de motivation. Maintenant, c'est pas une solution miracle, hein. On vend pas un produit magique. Mais pour quelqu'un qui est déjà suffisamment motivé pour se réalimenter, reprendre confiance et puis retourner faire du sport ou même sortir, bah d'avoir un petit peu ce produit d'accompagnement, on va venir accompagner la personne. En fait, ce qui va être important autour de YouMeal, c'est justement ce qui va graviter, l'alimentation qu'il va y avoir autour. rien n'est magique, on peut manger, enfin on va pas citer d'autres marques, mais il y en a qui ont la promesse de maigrir, mais c'est ce qu'on va faire autour de ce produit-là qui va permettre de perdre du poids. Donc oui, on peut perdre du poids avec Youmil, on peut en prendre, on peut prendre du muscle, ça va vraiment dépendre après de chacun. Oui, puis c'est un premier pas, une manière de se discipliner aussi quelque part. Je pense que quand on a cette envie, cette ambition de perdre un peu de poids, j'imagine que ça démarre justement par ça, d'essayer de manger bien, pas trop, et des bonnes choses. Oui, exactement. Et puis surtout que, encore une fois, si on reprend du coup l'origine de pourquoi Youmil est né, c'est que quand on essaie de faire attention, qu'on se donne une certaine discipline, c'est tout le quotidien qui peut potentiellement casser cette discipline-là. Et donc, quand on casse cette discipline-là, on se réfugie. Donc, on va prendre quelque chose à la pause déj, entre midi et deux, très rapidement. On regarde, on a quoi ? Bon, on a des salades avec des sauces, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On a des sandwichs triangles. On va à la cafette du coin. Donc, en fait, ce sera toujours mieux de prendre un Youmil que d'aller sur ces solutions-là en termes de calories. Alors, mes confrères sont plus experts que moi sur le sujet, mais vous me dites si je me trompe, mais ça sera toujours plus avantageux en termes de calories, en termes d'apport et surtout aussi en termes de contrôle des aliments dans le sens où on va pas avoir d'additifs, on va pas avoir de produits transformés. Ce sera toujours une meilleure solution, ce sera sûrement la meilleure solution de prendre un Youmil que d'aller justement craquer sur ces solutions-là. Nous, on a vraiment voulu faire un produit qu'on allait manger. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment... Non, mais c'est bien de vous en manger tous les trois. C'est bête, mais nous on a pensé à nous dans un premier temps, donc on a imaginé ce qu'on serait capable de manger, donc les additifs, les conservateurs, on a tout oublié, c'est vraiment un produit qui est vraiment brut. Comme tout à l'heure tu parlais de la marmite, mais quelqu'un qui se cuisine un plat dans sa poêle et après qu'il le met dans l'assiette, nous on cuisine dans la poêle, on met dans un deuil pack et après on l'envoie chez le client, c'est vraiment l'image... Et comme tu dis, dans les sandwichs triangles, les Sodebo, ceux qui produisent ces plats-là, je suis pas sûr qu'ils les mangent. Ouais. La petite balle tirée. Et on l'a pas dit aussi, mais on fait très attention au sel. C'est bête, mais aujourd'hui, si on prend le conservateur le plus simple à utiliser pour nos amis industriels, c'est le sel. Et aujourd'hui, l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour par personne. Et en fait, si on regarde les étiquettes un petit peu de ce qu'on peut trouver un peu à droite à gauche, sans rentrer dans le fast-food, c'est énorme. Et nous, justement, on a voulu mettre un point principal justement sur nos repas, en limitant justement cela, parce qu'on veut vraiment que Youmil s'intègre dans toutes les alimentations possibles, sans déroger un petit peu le rythme de la personne. Et je compléterai sur le sujet du sel, parce que forcément, on a des concurrents. On n'est pas les premiers à faire des repas protéinés pour sportifs, pour justement gagner du temps. Ça, c'est mon côté boxeur, j'ai envie d'aller tacler les autres. Mais même, en fait, dans toutes ces solutions-là qu'on peut retrouver chez les concurrents, alors, pas forcément tous, mais certains, qui vont vraiment mettre l'accès de leur marketing sur le côté protéiné, parce que c'est quelque chose qui vient vraiment en force en ce moment, très à la mode, des grands packaging noirs. Alors, on a des packaging noirs aussi, mais c'est vraiment ce côté protéiné, on le voit partout, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la course à la protéine. Néanmoins, regardez le sel sur les étiquettes, parce que des concurrents à nous, par repas, arrivent très vite à 5-6 grammes de sel par repas, sachant que les recommandations de l'OMS au quotidien, c'est 5 grammes. Donc ça veut dire que vous prenez un repas du concurrent que je ne citerai pas, et d'autres, vous êtes déjà à la limite. Avec tout le reste de la journée, vous les dépassez largement. Donc gaffe au sel, c'est un vrai enjeu santé. Oui, protéines n'est pas égal santé, en fait. Ouais. Ça, faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, c'est... ils le vendent comme ça, hein. Protéines égale bonne santé, et c'est pas le cas. Enfin, je vais faire une petite aparté là-dessus, mais les céréales, par exemple. Vous avez beaucoup de marques aujourd'hui, ils rajoutent 3-4 grammes de protéines dans leurs céréales, ils mettent protéines. Et c'est purement marketing, en fait. Et le prix aussi, le prix est double aussi. Le prix est protéiné. Et ça, j'en profite pour proposer à nos auditeurs de retrouver la chronique conso avec UFC Que Choisir tous les mardis à 13h sur Radioactive, où tous ces pièges-là sont évoqués justement avec Joël, la chargée de com, qui nous fait le plaisir d'être là chaque semaine. On a parlé du chili con carne, du sauté de poulet thaï et du dalle de lentilles, hein, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a eu des foirages, entre guillemets, des essais de recettes qui n'auraient pas fonctionné? Alors, et des recettes effectivement qui n'ont pas fonctionné, on avait essayé, puisqu'à la base on devait se lancer avec 5 recettes, on avait essayé une recette froide qui arrivera du coup par la suite, mais on avait essayé une recette de salade de pâtes, un poulet avec une sauce soja, etc. Sauf que le rendu après cuisson en fait n'était pas du tout, on avait tout qui était marron, ça donnait pas envie, donc effectivement ça c'était un premier échec. Et puis je pense même au dalle de lentilles Cora qui finalement aujourd'hui est proposé dans notre gamme. Mais si on prend un peu les premiers essais, on était plus proche d'un enduit que d'un repas. Bon, la couleur est sympa pour un enduit, en oui, enduit voilà. Pareil. Oui, voilà. Et fort heureusement, on a repris un petit peu les recettes en place, redéveloppées et rééchangées avec nos partenaires. Et puis on a réussi à sortir un plat qui nous convient très fortement. Donc voilà, on est très content de ça. Ouais. Le dalle de lentilles, il a failli être très costaud, hein, parce qu'il y avait cette première version que du coup Jordan et Ronan sont allés déguster directement chez le prestataire. À partir de ça, ils ont fait des modifications parce que forcément, ça n'allait pas du tout. Et moi, j'ai pas pu être là puisque j'étais en vacances. Et quand on s'est refait une dégustation, eux, forcément, ils avaient le recul sur la précédente recette qui était vraiment pas ouf. Mm-hmm. Et sur celle-là, ils se sont dit, c'est mieux, ça peut être ok. Sauf que moi, c'était ma première dégustation. Et j'ai dit, les gars, jamais de la vie, on vend ça. Jamais. Donc ça a été remodifié encore une fois. Il y a eu une troisième, voire peut-être même quatrième fois, je suis pas sûr. Il y a eu au moins quatre ou cinq essais. Mais ouais. Confondu. Le dalle de lentilles, ouais, il fallait. Sans compter nos essais en cuisine, hein, parce que avant d'imaginer les recettes et les transmettre à notre partenaire, on fait quand même un petit peu de popote nous aussi, parce que c'est comme ça qu'on veut imaginer un petit peu Youmil. Donc pour le coup, comme on disait tout à l'heure, on sort les marmites, on sort les casseroles et on cuisine de notre côté. Donc vous avez sorti les marmites et les casseroles, mais vous avez aussi dû gratter le papier pour créer justement cette marque. Et il y a toute cette partie aventure entrepreneuriale, évidemment, qu'on a un peu moins évoquée depuis le début de cette émission. Est-ce que c'est compliqué de créer une marque alimentaire aujourd'hui? C'est quoi les difficultés? Est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Racontez-nous un petit peu ce parcours, Jordan. Alors, on aura pas assez d'une heure pour tout vous expliquer, mais c'est très, très compliqué. Nous, on est trois jeunes qui... Enfin, nous, on vient de Montlouis avec Ronan, Quentin de Tours. On est arrivé de nulle part et on a dû montrer aux prestataires, aux fournisseurs qu'on... C'est votre sérieux, finalement. Qu'on était sérieux et qu'on avait vraiment envie de créer notre produit. Donc, ça a été assez long parce que déjà, trouver un prestataire aujourd'hui en France qui fait de l'alimentaire, si vous n'êtes pas un gros industriel, bah, en fait, le prix d'entrée est énorme. Ils nous demandaient... Oui, alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, Ronan va pouvoir rebondir, je pense, mais sur une création de produits, c'était des budgets colossaux. C'était du 300-500 000 euros en prix d'entrée. Oui, c'est ça, on était là-dessus pour trois recettes. Ouais. Recettes, parce que le volume de création par produit est énorme. Donc il a fallu qu'on trouve un petit prestataire, alors on ne donnera pas son nom, il est de la côte ouest, qui a bien voulu nous faire confiance. Il nous a fait comprendre qu'il pouvait choisir aujourd'hui ses clients. Et... On a parlé de la Bretagne tout à l'heure, de toute façon, donc c'était grillé. Hein. Exactement. Et lui a bien voulu nous faire confiance, et donc aujourd'hui, il y a une belle collaboration qui s'est faite avec lui, mais ça a été pour moi la partie la plus dure de trouver le prestataire, et surtout d'arriver sur un prix qu'une banque puisse nous suivre sur un projet naissant, parce qu'on est parti de zéro. Hein. D'accord. Donc même d'expliquer, enfin il y a cette partie-là aussi qui a été difficile, c'est d'expliquer aux banques. Et puis en quoi ça se dissocie d'un autre produit qui pourrait être un peu similaire, ou assimilé en tout cas. Ouais, c'est en fait, eux, ils parlent d'un produit niche, mais aujourd'hui, quand on voit le développement des repas préparés, c'est énorme. Le pourcentage, je ne sais plus, mais l'explosion des repas préparés est énorme. Donc c'est niche parce qu'aujourd'hui, on vulgarise protéines, mais c'est vrai que ça a été, pour moi, la partie la plus dure. Ok, ouais, Ronan. Je dirais qu'entreprendre en France, il faut être quand même très motivé. C'est vrai. Il y a plein de dispositifs qui existent aujourd'hui pour accompagner vers l'entrepreneuriat. Je pense au bus de l'entrepreneuriat, à BGE, Touraine, etc. D'ailleurs, est-ce que vous avez été accompagné là-dedans? Alors, on a été accompagné, oui, par la CCI Touraine, donc via leur antenne Initiative Touraine. Maintenant... Effectivement, il y a beaucoup de dispositifs, mais quand on va sur ce qu'on pourrait cataloguer, comme l'a dit Jordan, un marché un petit peu niche, un produit novateur, en fait, on prend tout de suite un petit peu plus de temps à expliquer, un peu plus de rendez-vous, en fait, à prendre pour approfondir un petit peu le sujet avec que ce soit des comptables, avec des banques, avec des partenaires. C'est plus difficile à vendre que de faire de l'onglerie, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. J'entends bien. Et aujourd'hui, effectivement, quand on a fait un petit peu toutes ces démarches administratives, qu'on est passé un petit peu outre, cette recherche de partenaires, et puis nous, on voulait des partenaires qui soient aussi un petit peu alignés avec notre vision des choses. Prendre un partenaire, comme l'a dit Jordan, qui soit uniquement, et on grossit le trait, mais c'est un petit peu ça, mais assembleur, qui vont acheter des matières premières, mettre tout dans un bocal et puis secouer et puis en sortir un repas. Nous, c'était un petit peu moins notre idée. Nous, on voulait des personnes qui sont proches du produit, Et donc c'est pour ça qu'on a sélectionné notre fabricant avec qui on est très content de travailler, qui justement met à l'honneur des cuisiniers, des personnes qui sont formées au métier pour être d'autant plus proches de ce que nous on veut faire et proposer à nos clients. Mais voilà, comme l'a dit Jordan, la recherche est longue, non sans peine et non sans retournement de situation. Et voilà, donc c'est pour ça que depuis 2 ans on travaille d'arrache-pied justement sur ce projet-là et que ça voit le jour que maintenant. Donc il y a eu des moments de doute quand même. Il y en a tout le temps. Ouais. Je pense que c'est le lot de tout entrepreneur au final. Et puis d'ailleurs le doute, il est sain aussi parce que ça permet de se remettre en question. Bien sûr. Mais en plus on a la particularité sur la stratégie marketing de se mettre en avant, c'est-à-dire qu'on aurait pu décider de créer une marque, de la laisser anonyme entre guillemets, ou ça aurait été Yumi et rien d'autre. Là, j'ai orienté les gars sur l'incarnation de la marque, donc ça veut dire on met les fondateurs en lumière. Donc principalement Ronan est derrière et devant la caméra sur les publicités, sur les contenus qu'on fait sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre notre page Instagram. Et donc, il y a toujours un moment de stress parce qu'on s'affiche en tant que personne en fait sur ce projet-là. Donc oui, on a des doutes, on est aussi confronté aux avis des utilisateurs, des clients. Donc c'est pas forcément toujours sympa, on a déjà eu des commentaires pas très charitables, on va dire. Oui, donc, bah à partir du moment où on ouvre la possibilité de communication, voilà. C'est facile. On arrive à se mettre des œillères et tout, mais oui, ça vient quand même quand les critiques sont constructives, etc. Évidemment, on a des moments de doute par rapport à toutes les péripéties qu'on a eues dans la construction du produit. Par exemple, récemment, on a eu des galères sur les emballages. Évidemment, on en a été amené à se demander s'il n'y avait pas un autre moyen en fait de faire, parce que à notre niveau, ça allait être compliqué de sortir des grosses quantités pour coller à tel et tel cahier des charges des fournisseurs. Donc oui, le doute, il est pas quotidien, mais il est très très fréquent. En tout cas pour moi, je pense que c'est pareil pour Ronan et pour Jordan. Ouais, si si. Il faut être force de résilience. Je pense que c'est peut-être le maître mot de justement savoir accepter, on va dire, le changement de direction, l'analyser et puis faire en sorte que pas forcément que ça nous passe au-dessus, mais on va dire de faire continuer ce chemin dans la bonne direction, quand bien même il est bifurqué. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et donc c'est pour ça que là, on est content d'avoir trouvé nos partenaires. Pour plus tard, éventuellement, développer encore plus la gamme, est-ce qu'il y aura, par exemple, plus tard, des petits déjeuners Youmeal, des snacks Youmeal? Alors moi, je suis très fan de desserts. J'avoue que c'est mon péché mignon, au-delà du fromage. Donc pas de fromage protéiné, mais des desserts et peut-être des glaces. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des glaces protéinées dans mon congélateur. Donc voilà, effectivement, il y aura peut-être des petites surprises qui arriveront au fur et à mesure. Ok. C'est quoi votre repas préféré de la gamme? On nous pose souvent cette question. C'est vrai? Ouais, en plus, il y a, bah, mais y a qui, trois recettes. Qui mieux y a trois, que les concepteurs pour nous conseiller? Bah, moi, j'ai toujours eu le petit... ça a toujours été le chili con carne. Je suis un mangeur de... Enfin, je suis un viandard. Donc ça a toujours été mon... Et ça restera, je pense. Quoique, il y a les potres qui arrivent. Mais le chili con carne pour moi. Donc, un point pour le chili. Et moi, je vais pour le dalle de lentilles corail. Déjà parce qu'on a mis beaucoup de temps à le développer. Et, a priori. Et donc, je l'ai vraiment à cœur. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout que j'ai été végétarien pendant quasiment 6 ans, 7 ans. Ah oui, donc, tiens, c'est marrant, c'est souvent l'inverse. Hein. On devient végétarien. Toi, tu l'as été, mais ouais, tu ne l'es plus. Je l'ai été, et puis au cours d'une préparation sportive, la faim était trop présente. Et j'avoue que mon fil d'actualité Instagram se rencontrait, on va dire, pas mal de barbecue à cette période estivale qui arrive. Donc voilà, j'ai craqué juste après. Mais donc, du coup, le dalle de lentilles corail était la recette que je voulais absolument, moi, dans la gamme, déjà de base. Donc, Ok. Et toi, Quentin? J'ai envie de dire que ça va pas être très surprenant. Je suis aligné avec toute la culture thaï, la boxe thaï et forcément la cuisine thaï. Donc le poulet coco thaï en fait partie également. Puis ouais, c'est mon petit préf, mon petit chouchou. Alors comment on fait pour se fournir en Youmeal? Parce que maintenant vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche. On a quand même très envie de pouvoir aller goûter les produits. On les trouve comment? Eh bien, tout est disponible sur notre site internet. On a un site internet, donc u-6000meal.com, sur lequel toutes les personnes qui veulent justement trouver nos repas peuvent se rendre. Et donc, on propose aujourd'hui nos plats sous forme de pack pour accompagner, on va dire, les personnes dans leurs objectifs, pouvoir les essayer dans un premier temps et puis peut-être recommander par la suite, tout en sachant que voilà, d'autres recettes arriveront assez rapidement pour que vous puissiez ne pas vous lasser et découvrir aussi plein d'autres choses. Et soulager votre quotidien surtout. Alors si je veux déguster un chili con carne Youmil, combien ça va me coûter ? Alors il y a plusieurs formules. Alors soit effectivement on décide de le prendre à l'unité et dans ce cas-là on va avoir un repas qui est à 11,95€. Pour rappelle-nous le grammage. Sur un repas de 400 grammes. Ou alors on décide de prendre une de nos formules pack, donc soit un pack découverte parce qu'on a envie de découvrir les trois recettes, découvrir un petit peu l'univers Youmil, donc qui est à 31,90€. Soit une formule donc avec 6 repas, mais on en offre un donc qui est à 59,90€. Et la dernière option qui est notre pack performance pour ceux qui veulent aller au fond de, justement de leur entraînement, aller un petit peu plus rapidement que les autres dans l'atteinte des objectifs. Et donc là on a 7 repas et on en offre 2 en plus, donc soit un total de 9 repas. Et donc on est à 85,90€. Ce qui nous fait un petit peu moins de 9,50€ à 9,54€ par repas, selon le pack. C'est ça. Et donc, nous, notre produit, alors notre tarif, déjà, on l'a imaginé, donc en fonction de ce qu'on met dedans, on aurait pu partir sur un produit qui serait vendu moins cher, mais en mettant des aliments avec additifs, avec conservateurs, faire une fabrication qui ne serait pas en France. Nous, c'était pas du tout notre idée, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on est nos premiers consommateurs, et donc on veut des produits qui soient alignés avec notre éthique. Et puis, on a voulu aussi avoir quelque chose qui soit vraiment premium, que ce soit au niveau des recettes imaginées. Et aujourd'hui, voilà, vous allez dans le commerce, comme ça a pu être notre cas au tout début, quand on racontait justement la genèse du projet. Bon, ben voilà, une salade Sodebo, j'ai le droit de dire la marque. Il l'a déjà dit tout à l'heure, il va falloir m'en dire une deuxième, les gars, parce que c'est là, vrai. Je vais avoir des problèmes à Clark. Une salade Donna, un yaourt à boire protéiné, et puis un petit taboulet ou quelque chose comme ça pour, on va dire, avoir un repas complet et qui nous tient au corps pour qu'on puisse aller s'entraîner derrière ou juste ne pas avoir faim 2 heures plus tard. En fait, on va vite sur des 13-14€. Vous faites un fast-food. Bon, moi, des fois, j'essaye de me restreindre, mais je sais que Jordan est un peu plus gourmand que moi. Merci, Jordan. Et c'est vrai que le 3 burger arrive assez rapidement. Non, mais blague à part, un menu maxi best-of, aujourd'hui, on est à 12€ pour manger beaucoup d'acides gras saturés et beaucoup de sel. Donc, Et de sucre aussi, je crois. Et de sucre aussi. Et de plein de choses qu'on ne sait pas. Ouais, de tout ce qu'il faut. Et beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Voilà, bref. Donc voilà, on a voulu vraiment avoir un produit qui soit le plus finalement brut possible et le plus proche de ce qu'on peut faire dans une cuisine. Voilà, on invite tout le monde en tout cas, s'ils veulent commander, à commander sous forme de pack, parce que c'est là où c'est plus rentable, tout en sachant que c'est ce qu'on recommande. Si vous avez le temps de vous faire à manger, faites-vous à manger. Ce sera toujours mieux que de consommer un repas humide. Mais maintenant, voilà, quand vous n'avez pas le temps, bah, justement, pensez à nous et on sera là pour vous. C'est une belle phrase de conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un petit mot pour les auditeurs. Ronan s'est très bien exprimé. Quentin, un petit mot pour les auditeurs. Et puis Jordan, par la suite. Forcément, c'est moi qu'on balance au bûcher tout de suite. Là. Non, mais écoutez, Ronan, il a tout dit, je pense. Merci, Quentin. J'ai rien à ajouter. Quoi. C'était parfait. C'est une réponse aussi. Ben, pour rebondir avec ce qu'a dit Ronan sur le côté premium et les produits sains, la qualité, moi j'ai toujours eu ce parti pris, ça fait maintenant 10 ans qu'on parle beaucoup d'investissement aujourd'hui dans notre monde. Le meilleur investissement, ça sera celui que vous ferez sur votre corps. Et notre produit représente vraiment cet aspect-là. Et c'est ce qu'on a voulu créer. Eh ben merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous présenter Youmil, parce que c'est une actu, une véritable actu localement. Vous êtes basé sur Montlouis. Non, il y en a un qui vient de la capitale Tours. Quand même. Il y en a un qui vient de Tours. Donc merci à vous, Quentin, Ronan et Jordan, d'être venus nous parler de cette gamme de produits qui, on l'aura compris, est saine et bonne. Merci Marlène. Merci Marlène. www.u-mil.com pour vous renseigner, pour trouver encore toutes les informations et vous procurer ces produits. Merci encore à tous les trois. Merci, au revoir. C'est la fin de ce mag, on se retrouvera dès demain à 18h pour une toute nouvelle émission. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.